Nous avons tout fait. Il n'y a plus rien à taire. Ainsi plus rien à dire. J'essaie de te regarder, de te trouver jolie, d'avoir envie de te parler, mais rien ne vient, rien ne va, les choses passent, puis s'effacent. De plus en plus lentement, tes lèvres s'approchent, retenues par le dégoût ou la lassitude. Où tout ça nous mène, on s'est perdu si souvent. On ne se retrouve plus. J'essaie de te regarder, de te trouver jolie, d'avoir envie de te parler. Mais rien ne vient, rien ne va, les choses passent, puis s'effacent. Tout ça nous mène, on s'est perdu si souvent, on ne se retrouve plus.